Kugira. Et Pita Sandaishimi assure la mise en onde. Merci de garder l'écoute de la radio Isangani, votre station préférée, mettant depuis Bujumbura, la capitale économique burundaise. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 8 avril 2019. Mais d'abord les grands titres. La gestion de la régie des eaux a été au centre de discussion dans les retraites et réunions gouvernementales, comme affirmé par le ministre de l'Énergie et Mines. Mais quelles en sont les raisons? La corruption et les malversations économiques viennent en premier lieu, et Mines et la régie des eaux, une entreprise publique qui jusqu'aujourd'hui ne tient pas les promesses de réaction aux accusations du ministre comme Manila, qu'ils avaient entendu tout à l'heure. Interdiction du maquillage de tout genre par le ministère de l'Éducation pour les élèves burundais. L'appel est de la ministre Geneviève Ndirahisha qui est contenu dans le communiqué de son ministère sorti en fin de semaine écoulée et qui prévient que les auteurs n'ont pas de place dans les écoles burundaises. Il s'observe des montagnes d'immondices au quartier neuf de la zone urbaine de Bujumbura suite à la défaillance de sociétés chargées de collecte de déchets ménagers, ce que d'ailleurs reconnaît le maire de la ville de Bujumbura. Et vous aurez également droit à la chronique sportive où l'on va vous parler aujourd'hui du volleyball. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Sécurité pour débuter cette édition. Un vieil homme de Kibedi, en commune Mugamba de la province Bururi, est dans les mains de la police de Mugamba depuis ce dimanche. Étienne Nzeiman a été arrêté, accusé qu'il venait de tuer sa femme à l'aide d'un poignard, selon le chef de colline de Kibedi, qui indique que cet homme reçoit des soins suite au coup lui infligé avant l'intervention policière et administrative. En page éducation, je le disais tout à l'heure, le maquillage de tout genre est interdit aux élèves au Burundi. Dans le communiqué sorti par le ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle en fin de semaine dernière, il prévient que tout élève qui serait attrapé n'a pas de place dans les écoles tant publiques que privées au Burundi. La ministre Geneviève Ndirahisha rappelle que la disposition y relative est prévue dans le règlement scolaire en vigueur en son article 28 en 100.7. Elle appelle les élèves à faire une toilette simple et naturelle et à éviter à tout prix l'indécence et l'extravagance dans l'habillement. La ministre Ndirahisha regrette qu'il ait été constaté avec amertume que des élèves outrepassent cette mesure par des tatouages de diverses natures éparpillés sur les différentes parties du corps. Elle appelle à la responsabilité des éducateurs et des parents pour ramener à l'ordre leurs enfants. Et je vous le disais en titre, un tas d'immondices s'observe tout près du terrain de football situé en zone Gagara au quartier 9 en mairie de Bujumbura. Les habitants de cette localité estiment que ces immondices proviendraient des ménages environnants qui ne seraient pas en ordre avec les sociétés chargées de collecte de déchets ménagers. Ils craignent que les maladies démentielles puissent les attaquer. Reportage signé Vétine Outoï. Ce tas d'immondices est situé à côté de la route menant vers Bubanza et à quelques mètres d'un camp militaire, communément appelé camp municipal. Ces immondices sont faites de divers déchets, entre autres des sachets hors usage et des épis de maïs. Même si ce tas d'immondices semble être là il y a longtemps, car on y voit des buissons qui poussent tout autour, on observe encore des nouveaux déchets qui s'y ajoutent. Un des habitants de la localité indique que ces déchets proviendraient dans des ménages environnants, car il explique qu'il y a celles qui ne payent pas les frais d'hygiène aux sociétés concernées. Certaines ménages refusent de payer à ces associations chargées de collecter les immondices et préfèrent donner une petite somme d'argent aux gens qui les transportent sur leur tête pour en fait les jeter au bord des routes ou dans des caniveaux. Il ajoute qu'ils ont déjà mis au courant les autorités de la mairie de cette situation, mais que celles-ci ne réagissent pas selon leurs attentes. Tous les jours, il y a de la sensibilisation sur la gestion de ces déchets ménagers. Et même la mairie a promis d'évacuer ces déchets ou d'attraper ces personnes qui les jettent n'importe où. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Cependant, ils craignent des maladies démentielles qui pourraient surgir, notamment le choléra et autres. Les conséquences sont multiples, surtout les maladies des mains sales, notamment le choléra et autres. Vraiment, les maladies qui pourraient surgir seraient nombreuses. Ces habitants demandent aux autorités habilitées d'appliquer les sanctions aux personnes qui seraient attrapées en train de jeter des saletés dans des milieux inappropriés et aux sociétés chargées d'hygiène de passer tout le temps dans les quartiers pour voir s'il y a des déchets à évacuer dans le but de prévenir la population contre les maladies des mains sales. Merci Vestine Boutoye. À ce sujet, quelques sociétés ou coopératives qui étaient chargées d'enlever les déchets dans les ménages semblent avoir renoncé à ce travail. C'est ce qui est dit par le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, qui explique que la cause de cet abandon est qu'elle travaillait à perte car les bénéficiaires ne les payaient pas. Régulièrement, il ajoutait que la mairie a essayé de résoudre ce problème en cherchant des partenaires pour les remplacer. Suivez Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura, qui est au micro de notre consoeur Francine Ndihokoukayo. Effectivement, au départ, tout allait bien, mais après quelques mois, certaines sociétés ou coopératives ont préféré abandonner parce qu'ils travaillaient à perte. Certaines personnes ne payaient pas, alors qu'ils consommaient du carburant, la location des camions, le paiement, les salaires des manœuvres, tout cela n'arrivait plus à couvrir toutes ces dépenses. C'est pour cela qu'ils ont déposé le tablier. De notre côté, nous avons essayé de voir d'autres partenaires qui peuvent s'y plaire ou récupérer cette situation. Est-ce que vous suivez le travail de ces coopératives pour être sûr que c'est la population qui n'en paie pas les cotisations mensuelles? Oui, effectivement, au niveau de la mairie, nous avons un service appelé brigade de salubrité. Il est en charge de la salubrité au niveau de la mairie, donc il faut un suivi régulier. Et nous avons eu l'occasion de l'exprimer que ces gens qui payent, sinon ils n'auront pas ce service. Et à notre niveau, c'est gênant parce que des immondices peuvent avoir des conséquences sur la vie de ces gens même. C'était Freddy Mbonima qui est maire de la ville de Bujumbura. Après une courte pause, on va parler de société. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h06, le ministère ayant en charge les droits de la personne humaine est en train de voir comment assister les victimes des catastrophes en leur octroyant les abris décents. C'est à travers un atelier de 4 jours organisé conjointement à partir de ce lundi avec les organisations OIM et la Croix-Rouge du Burundi, Révérend Simbarakiye. Le directeur général du département de réintégration des sinistrés appelle ces organisations à utiliser les modèles que ce ministère utilise pour les sinistrés de Lumonge. Suivez Révérend Simbarakiye, qui est directeur général du département de réintégration des sinistrés au ministère des Droits de l'Homme. On me signale de l'autre côté que l'élément n'est pas disponible. On va y revenir. Les femmes bénéficiaires du projet Melanghamandi dans la commune de Bugabila de la Prince Kirundo disent apprécier ce projet qui les a permis de subvenir aux besoins de leur famille grâce au transfert de 40 000 francs burundais. Tous les deux mois, ils demandent que l'enveloppe soit revue à la hausse. Le coordinateur de ce projet fait savoir que le gouvernement discute avec la Banque mondiale à cet effet. Michel Nyabenda appelle ses femmes bénéficiaires à éviter toute querelle dans leur ménage. Mireille Kanyang. Elle demande que d'autres femmes puissent bénéficier de ce projet. C'est Marceline Mukanhabana de la colline Kiyonza en commune Bugabira. Bénéficiaire du projet Melanghabandi, elle a pu subvenir à ses besoins avec les 40 000 francs burundais transférés tous les deux mois. Le projet Melanghabandi m'a tant aidé. J'ai pu recevoir ce qui me manquait. J'ai payé le matériel scolaire pour mon enfant. Je me suis d'abord assurée de la nourriture de mes enfants et pour un autre tour, je ferai autre chose. Nirera Audrine, elle, habite la colline Ruhehe de la même commune. Elle apprécie également ce transfert monétaire. Elle compte s'associer à d'autres femmes afin qu'elles puissent s'acheter du petit bétail. En ce qui concerne nos projets, nous nous sommes convenus de former un groupe de 10 personnes. Nous avons remarqué que le coût du petit bétail est cher. Par exemple, une chèvre de 40 000 francs bou ne produit pas suffisamment. Alors, avec ce groupe de 10 personnes, nous nous sommes inscrits. Pour le prochain paiement, chacune parmi nous donnera une somme de 10 000 francs bou à la personne désignée et pour le prochain tour, ce sera une autre personne et ainsi de suite. Ce transfert monétaire appuyant dans l'autonomisation de la femme est parfois l'origine des mésententes dans les ménages. D'autres s'enivrent avec cette somme. Le coordonnateur du projet Merangabandi précise que le projet participe plutôt dans la résolution des problèmes de moyens. Ce programme ne vous amène pas les conflits, mais plutôt de l'aide. Ce programme ne vous est pas utile pour se procurer de la bière. Il va vous aider à se développer. Nous allons faire le suivi à ceux qui ne le peuvent pas. L'on pourra même sanctionner les récidivistes. C'est un projet qui vient appuyer les ménages pour un développement durable. Pour les demandes d'augmentation de l'enveloppe, Michel Nyabenda fait savoir que le gouvernement burundais s'y penche avec la Banque mondiale qui finance ce projet. Selon le taux de pauvreté monétaire et le taux de malnutrition chronique chez les enfants, 4 provinces bénéficient du dit projet. Pour ces deux indices, Ruigi vient en tête avec un taux de 143,9, Karusi avec 133,9, 131,7 pour Gitega et Kirundo avec 129,5. Merci Mireille Kanyang. Toujours en page société, on revient sur l'élément qui n'était pas là tout à l'heure. Le ministère ayant en charge les droits de la personne humaine est en train de voir comment assister les victimes de catastrophes en leur octroyant les abris décents. C'est à travers un atelier de 4 jours organisé conjointement à partir de ce lundi avec les organisations OIM et la Croix-Rouge du Burundi. Révérend Simbara Kiyé, le directeur général du département de réintégration des sinistrés, appelle ces organisations à utiliser les modèles que ce ministère utilise pour les sinistres de Rumwenge-Suve. Révérend Simbara Kiyé, directeur général du département de réintégration des sinistres au ministère des droits de l'homme. Au micro de notre confrère Mireille Naomi Nitegeka. Nous avons déjà commencé à mettre en application le type de maison sur lequel nous allons discuter ici. Lorsqu'ils étaient encore à Nyaruhongoka, ils vivaient dans des tentes. Et des tentes qui n'étaient pas du tout adaptées aux besoins de la famille. Alors après, un certain temps, nous les avons réinstallés dans le village rural intégré de Mayengo, mais au premier temps, dans une maison transitoire, parce que les murs de cette maison étaient constitués de bâches, mais au niveau de la toiture, il y avait des tôles. Maintenant, nous sommes en train de remplacer au niveau des murs les bâches par les briques stabilisées au ciment. Si vous voulez, ici pour construire une maison en matériaux durables. Une autre innovation que nous allons aussi discuter ici et qui va être adoptée, ce sont les dimensions de cette maison. C'est une maison, en plus qu'elle est en matériaux durables, une maison avec 3 chambres et un salon. 3 chambres pour que les parents dans cette famille puissent avoir leur propre chambre. Aussi pour que les enfants, garçons, les enfants ne dorment pas dans la même chambre. Ainsi alors, les 2 chambres qui restent, une est réservée aux enfants de sexe masculin et une autre est réservée aux enfants de sexe féminin. En plus de cette durabilité de la maison que nous sommes en train maintenant de construire, cette maison est dotée d'une cuisine et d'une latrine construite d'une façon moderne. Et en page régie des eaux et en page bonne gouvernance, c'est la question de gestion de la régie des eaux préoccupe le gouvernement dans la réunion tenue à l'endroit des cadres de cette société. Vers la fin du mois de mars, le ministre de l'Énergie et des Mines leur a annoncé que cette question est souvent soulevée lors des conseils des ministres et des retraites gouvernementales, comme Manuel Akiza a indiqué que certaines mesures visant à améliorer la bonne gestion de la régie des eaux ont été prises. Parmi ces dernières figure la prise des sanctions contre les mauvais gestionnaires des biens de cette société. Suivez-le, il est traduit en français par Aubin Nyonghur. J'effectue cette visite après celui du président de la République. Vous avez suivi le conseil qu'il vous a prodigué lors de la précédente séance de moralisation. Je vous annonce que la question de gestion de la régie des eaux est souvent soulevée lors des conseils des ministres ou des retraites gouvernementales. Pas mal de mesures ont été prises en vue de redynamiser cette société. Il y a, entre autres, la prise de sanctions sévères à l'endroit des agents de la régie des eaux qui sont corrompus et contre ceux qui ne font pas la bonne gestion des biens de cette société. Je signale que ceci n'est qu'une synthèse de mesures prises. Je m'adresse non seulement au cadre de la régie des eaux, mais aussi à tous les employés. Je vous annonce que la régie des eaux n'est pas votre société, mais celui du gouvernement et de tous les Burundais. C'est pourquoi vous devrez satisfaire tous ceux qui se confient à cette société pour divers services. Je prends aussi cette occasion pour vous annoncer que le gouvernement est préoccupé par le fonctionnement de la régie des eaux et qu'il suit de près tout ce qui se fait dans cette société. Sur ce, la direction de la régie des eaux avait promis de s'exprimer mercredi dernier. Ce rendez-vous a été ajourné pour vendredi dernier, puis samedi, avant d'être reporté à nouveau pour ce lundi, suite à la coïncidence de la journée à la commémoration de l'assassinat du président Hagamira. Et ce lundi, le service de communication de la régie des eaux nous a annoncé que cette société pourrait s'exprimer au cours de cette semaine sans plus de précision. Radio Isanganiro, chronique sport. Le volleyball a été introduit au Burundi en 1980, puis répandu dans les écoles secondaires à régime d'internat, mais malheureusement, il a souffert de crise cyclique qu'a connu le pays. C'est ce qui est dit par l'expert en volleyball, en même temps président de la Fédération burundaise de volleyball, gardien Iradukunda, déplore le manque d'infrastructures modernes auxquelles fait face le volleyball au Burundi. Chronique sportive de ce lundi, c'est avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le volleyball a été créé en 1895 aux États-Unis d'Amérique par le professeur de l'éducation physique William Morgan. Cette discipline a été introduite au Burundi par les Blancs en 1980. Ils ont commencé à l'enseigner dans les écoles secondaires, selon le président de la Fédération burundaise de volleyball, Gordien Iradukunda. Le volleyball, c'est une discipline sportive qui se joue avec les bras, les mains et les doigts. A été créé le 9 février 1895 aux États-Unis, dans l'État de Massachusetts, par un professeur d'éducation physique appelé William Morgan. Cette discipline a envahi les écoles d'abord pour être vulgarisée dans le milieu des fonctionnaires par après. C'est en 1980 que la Fédération burundaise de volleyball a été créée et c'est à ce moment qu'elle a adhéré à la Fédération internationale. Et la Fédération de volleyball a été d'ailleurs parmi les fondatrices du Comité national olympique. Le président de la Fédération burundaise de volleyball indique qu'actuellement, le volleyball au Burundi se joue en respectant les normes internationales et que les joueurs trouvent souvent l'occasion d'aller jouer à l'étranger. Le volleyball a souffert des crises cycliques qui ont endeuillé le pays parce que le volleyball était développé dans les écoles, il était pratiqué dans les écoles, surtout les écoles à internat, qui avaient des moyens, du matériel, des infrastructures appropriées. Mais la suppression des internats, la pauvreté des écoles a fait qu'il n'y ait plus de moyens pour acheter ne fût-ce qu'un ballon, a fait qu'il n'y ait plus de quoi manger parce que tout sport exige à ces pratiquants de récupérer. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons souffert de ce manque de pépiniers. Le manque des moyens financiers et des infrastructures modernes sont certains des défis qui bloquent le développement du volleyball au Burundi. Nous sommes toujours en arrière sur le plan des infrastructures parce que nous jouons sur les terrains cimentés. Alors qu'au niveau international, c'est toujours des compétitions dans les salles. Et quand quelqu'un est habitué à jouer sur le ciment, il a toujours peur de tomber. Mais dans les salles, c'est sur des terrains synthétiques. Tu peux plonger pour récupérer la balle sans avoir peur de se casser les jambes. On aimerait avoir cet appui, avoir des gymnases, avoir des salles comme les autres. Et nous avons déjà constaté, depuis qu'on a commencé à participer dans des compétitions internationales, on a vu que chaque fois qu'il y a une sortie, il y a quelque chose qui s'ajoute. Nous aimerions avoir des infrastructures conformes pour essayer de développer cette discipline, pour être plus compétitif qu'on est aujourd'hui. Dans la prochaine chronique sportive, Gordier Iradukunda expliquera les différentes parties d'un terrain de volleyball ainsi que le système de comptage des points en cette discipline. La chronique sportive de Pacifique Chubahiro et non Jean-Marie Vianney Ngendakumana, comme je le disais tout à l'heure. Fin de cette édition, mais juste avant de vous quitter, je vous rappelle que la gestion de la société Régie des Eaux a été au centre de discussion dans les retraites et réunions gouvernementales, comme affirmé par le ministre de l'Énergie et Mines, qui évoque les raisons. La corruption et les malversations économiques qui viennent en premier lieu minent la Régie des Eaux, une entreprise publique qui jusqu'à aujourd'hui ne tient pas les promesses de réaction aux accusations du ministre comme Manila Kiza. Vous avez entendu l'interdiction du maquillage de tout genre par le ministère de l'Éducation pour les élèves burundais. L'appel de la ministre Geneviève Ndirahisha qui est contenu dans un communiqué de son ministère sorti en fin de semaine écoulé et qui prévient que les auteurs n'ont pas de place dans les écoles burundaises et ils s'observent de ta d'immondices au quartier 9 de la zone urbaine de Bujumbura suite à la défaillance de sociétés chargées de collecter des déchets ménagers, ce que d'ailleurs reconnaît le maire de la ville de Bujumbura. Point final à cette édition. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Epita Sandaïchimie pour la mise en onde d'Eli Nibel Nibigira. Je vous l'ai présenté. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.